venir accueillir du regard petit au bord des chemins, les fleurs des jardins. On fera fleurir ceux qui trop timides n'osent montrer leur cœur quand passe le promeneur. Moi je les connais bien, ces petites douceurs qui chantent au matin, qui inondent les cœurs loin du cycle urbain et de ses odeurs. C'est sûr, c'est certain, existe le bonheur. Le soleil réveille, chaleur maternelle, prairie engourdie par la froide nuit. On fera sécher les gouttes de rosée sur notre mère nature pour ne pas qu'elle s'enrhume. Quand l'ennui me tient, quand guette les pleurs, c'est dans cet écrin j'y trouve ma chaleur, rien de bien malin. Juste un peu de cœur et tu chanteras demain un monde en couleur. Frissonne, ses eaux carillonnent, roule sur la pierre, son eau fraîche et légère. On lavera nos corps de tous nos efforts, sécherons nos âmes sur les branches des arbres. Moi je les connais bien, ces petites douceurs qui chantent au matin, qui inondent les cœurs loin du cycle urbain et de ses odeurs. C'est sûr, c'est certain, existe le bonheur. Signal qui chante dans le cerisier blanc, un hymne à l'amour pour chaque nouveau jour. On marchera sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller l'oiseau nouveau-né. Quand l'ennui me tient, quand guette les pleurs, c'est dans cet écrin j'y trouve ma chaleur, rien de bien malin. Juste un peu de cœur et tu chanteras demain un monde en couleur. Océan d'azur, le ciel libre et pur nous offre en mirage ces jeux de nuages. L'arbre centenaire gardera nos secrets couchés sur ses feuilles, guette l'écureuil. Moi je les connais bien, ces petites douceurs qui chantent au matin, qui inondent les cœurs loin du cycle urbain et de ses odeurs. C'est sûr, c'est certain, existe le bonheur. Quand guette les pleurs, c'est dans cet écrin j'y trouve ma chaleur, rien de bien malin. Juste un peu de cœur et tu chanteras demain un monde en couleur, rien de bien malin. Juste un peu de cœur et tu chanteras demain un monde en couleur. Moi je les connais bien, ces petites douceurs qui chantent au matin, qui inondent les cœurs loin du cycle urbain et de ses odeurs. C'est sûr, c'est certain, existe le bonheur.